Nous sommes lundi 31 janvier 2022. Bienvenue à cette édition spéciale préparée par la radio, la rédaction de la radio Isanganiro. Elle va porter sur l'état des lieux de la démographie dans notre pays. Vous aurez les avis et considérations des uns et des autres, le chef de l'État y compris, et des voies de sortie proposées par Evariste Ngaïmenda, expert démographe et professeur d'université. Eric Wimana assure la mise en onde. Bienvenue à cette édition spéciale. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Plantons le décor de cette édition spéciale par le message du chef de l'État. La démographie au Burundi est prise à la légère par certains Burundais. Fait remarquer le numéro 1 Burundais lors de l'émission publique tenue au stade de Intwari le 29 décembre dernier. Le président Evariste Ndayishimiye appelle les Burundais à ne pas prendre pour prétexte la politique de gratuité des soins des moins de 5 ans et des mères qui accouchent. On l'écoute dans cette traduction française d'Elini Belnibikir. La croissance de la population, c'est une problématique qui est cependant prise à la légère. Tenez, une personne peut avoir 8 enfants à l'âge de la scolarisation. Cette personne court chez ses parentés pour les frais scolaires. Mais quand tu les as mis au monde, tu ne l'as pas averti pour que ce soit lui qui cherche les cahiers à ta place. Ainsi, les classes deviennent exiguës, puisque l'on veut que tous nos enfants étudient. Mais ces enfants sont trop nombreux. Je vous dirais que le Burundi arrive à un niveau où les Burundais sont nombreux, plus que la capacité du pays. Vous savez, même quand Dieu a créé le monde, il a réfléchi au nombre d'habitants sur Terre. Quand tu cherches alors à dépasser ce qui t'est permis, tu auras exagéré. Sachez que les frontières du pays ne bougeront pas. Pensons à d'autres moyens de cultiver pour faire face à cette démographie galopante. J'aimerais demander à tout Burundais d'être conscient de cette situation démographique. Prendre pour prétexte la gratuité des soins d'accouchement pour accoucher de façon incessante, voulez-vous que d'autres Burundais continuent de payer pour vous? D'où viendront ces fonds? L'État, c'est vous. Et s'il n'y a pas de moyens, nous allons mourir en masse. Je voudrais conseiller que c'est la question qui concerne tout Burundi. Il y a même ceux qui demandent déjà la restriction sur beaucoup de naissances. Dans la vie de la population, le boom démographique devient casse-tête, la protection sociale devient difficile, et c'est pourquoi les pauvres augmentent, car on a débandé le pays. Demain, ne dites pas que les autorités étatiques ont échoué, alors que c'est nous, les Burundais, qui compliquons la situation. Certains des habitants de la ville de Bujumbura disent que la pression démographique a un impact négatif sur la situation de la population et du pays. Ceux qui se sont exprimés au micro-trottoir de la radio Isanganiro demandent au gouvernement de mettre en place une loi qui précise le nombre d'enfants à ne pas dépasser. Suivez-les au micro-baladeur de la radio Isanganiro. Si vous observez ce qui se passe, donc dans la rue, vous voyez qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont actuellement dans la rue, ce qui montre qu'il y a président. Et ça ne va pas que ce soit au niveau du pays, donc il n'y a pas de l'encadrement, que ce soit au niveau des écoles. Ce qui fait que la population burundaise doit savoir qu'avec un grand nombre d'enfants, ça doit aussi amener beaucoup de problèmes au niveau des familles, au niveau de la société. Ce qui est étonnant aujourd'hui ici dans notre pays, tu trouves quelqu'un qui n'a rien, qui ne fait rien, mais qui continue aussi à mettre en monde. Nous lançons un appel aux parents et aussi au gouvernement de faire une sensibilisation et des mesures barrières aussi à ces personnes qui nous calculent aussi pour voir comment l'avenir de leurs enfants sera demain. La multiplication au Burundi se fait de façon anarchique, de façon que les familles ne parviennent plus à supporter leurs enfants, que ce soit sur l'aspect scolarisation, aspect nutritionnel, et ça devient un problème très important. C'est pour cela que on trouve ici et là des enfants dans les rues, des enfants dans la rue. Le gouvernement peut déterminer le nombre d'enfants que chaque famille pourrait avoir. Ça peut aider à contrôler les naissances, le nombre d'enfants dans les familles. Ces citadins étaient au micro de mon confrère Jean-Marie Mayong. La province Kayanza est l'une des plus peuplées avec une démographie de plus de 760 000. Propos de Sylvain Bakanibona, conseiller socioculturel du gouverneur de Kayanza, qui indique que cette forte démographie est la cause principale des conflits fonciers et familiers incessants qui se font remarquer dans cette localité. Pourtant, cette autorité administrative dit que l'administration provinciale dit se réjouir de l'augmentation du taux de contraception chez la population. L'adhésion aux méthodes contraceptives reste faible au Burundi. Docteur Donavine Uimana, directrice exécutive de l'Association burundaise pour le bien-être familial, fait savoir que plus de 40 000 Burundais ont saisi la BOBEF pour adhérer à ces méthodes sur une période de 3 dernières années. Elle estime que cette faible adhésion serait liée à l'insuffisance de sensibilisation à l'endroit de la population. On l'écoute. Sur les 3 dernières années, l'association a accueilli plus de 43 919 personnes au niveau de nos cliniques. Mais nous travaillons aussi avec des structures publiques et privées qui sont nos partenaires. Et au total, si on prend les personnes qui sont venues dans les cliniques de la BOBEF et ceux qui sont venus dans les cliniques partenaires, nous avons 311 376 personnes. Souvent, les questions que les gens se posent, c'est par rapport aux effets secondaires possibles, c'est par rapport aux rumeurs qui sont autour de la contraception. Et une fois qu'à notre niveau, on a déjà répondu à toutes ces questions, on a déjà éclairci, on a déjà présenté les avantages et les inconvénients, on pense que la personne a tous les outils pour pouvoir prendre une décision qui convient et par rapport à une décision éclairée, par rapport aux informations que la personne a eues et assumer aussi cette décision. Nous apprécions beaucoup le pas déjà franchi par rapport à la promotion de la santé de la reproduction. Mais comme l'association burundaise le bien-être familial s'est engagé à continuer à faire le plaidoyer pour un bon environnement, mais aussi pour appuyer le programme de santé de la reproduction. Nous pensons que le gouvernement devrait mettre beaucoup plus d'efforts et faire de la santé de la reproduction une grande priorité, parce que malgré les efforts qui ont été fournis depuis pas mal d'années, on voit que les chiffres qui apparaissent par rapport à l'utilisation de la contraception ne sont pas très satisfaisants. Il faut une mobilisation pour que les gens demandent ces services, mais il faut aussi rendre disponibles ces services à travers la mobilisation des fonds, la formation des prestataires de soins pour qu'ils puissent offrir des services de bonne qualité, mais aussi la mobilisation des partenaires qui financent le programme de santé de la reproduction. Et les femmes utilisant les méthodes contraceptives ont passé de près de 200 000 à 500 000, c'est-à-dire à plus de 50% de 2017 à fin 2020. Le directeur du programme national de santé de la reproduction conseille les femmes utilisant ces méthodes de consulter les structures sanitaires en cas de complications au lieu de suivre des rumeurs. Il fait savoir qu'il continue à sensibiliser à travers les agents de santé pour atteindre 60% des femmes utilisant ces méthodes en 2030. Suivez Dr Anani Ndachaisabre. En 2010, nous étions autour de 200 000. personnes qui étaient sur méthode contraceptive moderne. Et en 2020, on était autour de 500 000. Le défi ne manque pas parce qu'il y a toujours des rumeurs qui persistent autour de la contraception moderne. Mais ce que nous conseillons aux utilisatrices, surtout, c'est de ne pas écouter les rumeurs, mais surtout de se confier au prestataire de soins. Et si l'une ou l'autre signe indésirable est apparu chez l'utilisatrice de la méthode contraceptive, nous comptons atteindre 60% d'ici 2030. Et aujourd'hui, la méthodologie que nous sommes en train d'exploiter, c'est surtout le conseil aux familles à l'adhésion de la contraception juste après l'accouchement. Et ce que nous faisons, c'est de sensibiliser surtout les prestataires des services de maternité, d'aider les familles qui le désirent à adhérer à la contraception juste après l'accouchement. C'est une activité de sensibilisation que nous continuons à faire en collaboration avec l'administration, les agents de santé communautaire, les autorités sanitaires au niveau des BPS et districts. Nous pensons que nous allons arriver aux objectifs souhaités. Retournons à Kayanza, une des provinces les plus peuplées avec une démographie de plus de 760 000. Propos de Sylvain Bakanibona, conseiller socioculturel du gouverneur à Kayanza, qui indique que cette forte démographie est la cause principale des conflits fonciers et familiers incessants qui se font remarquer dans cette localité. Pourtant, cette autorité administrative dit que l'administration provinciale dit se réjouir de l'augmentation du taux de contraception chez la population. Les détails avec Patrick Saint-Guillaume. Comme le montrent les données chiffrées fournies par Sylvain Bakanibona, conseil socio-culturel du gouverneur en province Kayanza, cette province est l'une des plus peuplées avec 769 185 habitants. Selon ces mêmes données, les communes comme Kayanza et Gatala sont surtout celles les plus peuplées. Ou en commune Kayanza, par exemple, on enregistre environ 1094 habitants par kilomètre carré, au moment où en commune Gatala, on compte plus de 800 habitants par kilomètre carré. Le conseil socio-culturel du gouverneur à Kayanza fait savoir que consécutivement, cette forte démographie est la cause des conflits fonciers et familiers qui se font remarquer dans cette localité incessamment. Propos confirmés d'ailleurs par Baranise Guillet-Christian, conseiller en charge des affaires sociales en commune Kayanza, de même qu'Indikubimana Donatien qui est en commune Gatara. Ils indiquent que le grand des cas de conflits qu'ils accueillent sont de type familial ou foncier à une échelle de 80%. Bien que la situation se présente ainsi en province Kayanza, le conseil socio-culturel du gouverneur Sylvain Bakanibona affirme que si la population de Kayanza s'attelle massivement aux travaux de développement, cette forte démographie ne sera plus considérée comme un défi, mais plutôt qu'elle sera plus pour une main-d'œuvre pour le développement de leur province. Au niveau de l'administration provinciale Kayanza, l'on dit également se réjouir de l'augmentation du taux de contraception. Même propos avec Tiongela Célestin, médecin directeur provincial à Kayanza. Ce directeur de la province sanitaire à Kayanza fait savoir que le taux de planification familiale en cette province a passé respectivement de 19 à 34% ces cinq dernières années. Il demande à toutes les parties prenantes, chacune en ce qui le concerne, de redoubler des efforts dans la sensibilisation auprès de la population sur les bienfaits du planning familial. Depuis Kayanza, Patrick Senguva pour la radio Sanganilo. Sanganilo, la radio de l'avenir. 13h12 minutes au sud de la radio Sanganilo. Les confessions religieuses ont à dire à propos de ce sujet. Le croissant démographique est un atout pour un pays bien organisé, indique le secrétaire général du Conseil national des églises du Burundi. Selon le révérend Sylvestre Bidimana, certains Burundais ne pensent pas à l'avenir de leurs enfants avant de les mettre au monde. Il recommande aux chrétiens burundais l'utilisation de méthodes de régulation de naissance naturelle. Pour ceux qui en sont capables, demande au gouvernement d'envisager les changements sur la gratuité des soins aux accouchements pour décourager la procréation irresponsable. On l'écoute. Avoir un grand nombre de la population, ça peut être un atout. Ça dépend de la vision du gouvernement. Beaucoup de familles ont des petites portions de terre. Et si on met au monde beaucoup d'enfants, c'est une problématique. C'est ainsi que dans certaines provinces notamment la province d'Okayanza, il y a beaucoup de crimes qui sont liés à la terre. Les églises sont en train de tout faire pour sensibiliser la population. Il existe un certain nombre de méthodes. Selon nous, il est clair la méthode que nous encourageons, c'est la méthode naturelle, c'est la méthode de la gouvernance de son corps. Et il appartient à la personne de choisir selon sa maturité spirituelle. Mais vous savez, le problème de la démographie galopante, c'est un travail de longue haleine. La gratuité aussi incite, c'est un élément favorisant pour avoir une démographie galopante. Il est grand temps que le gouvernement pense à des mesures contraignantes. Le gouvernement devrait réviser son projet pour limiter, essayer de limiter le nombre de naissances qui sont vraiment gratuites dans les hôpitaux. Et cela permettrait à la population de vivre le coût des dépenses. Sinon, ils vont continuer à mettre au monde des enfants qui sont laissés dans la lit et qui pèsent le coût sur les budgets de l'État. La communauté des musulmans au Burundi, Comibou, encourage la limitation des naissances à travers le consensus entre conjoints. Pour cette communauté, le gouvernement devrait multiplier les projets qui font vivre la population. Suivez plutôt Nagijiman Proté Hoffman, il est représentant adjoint de la Comibou. Pour ce qui est de la reproduction en islam, l'islam permet la limitation des naissances. Mais il y a deux façons principales de limiter les naissances. La première façon, c'est de bloquer complètement. La deuxième façon, c'est de limiter. Pour la première façon, l'islam n'accepte pas qu'une femme se bloque complètement. Plutôt, au cas où il y a de force majeure. Si on constate que la maman peut avoir des problèmes, provoquer la mort ou bien qui peut engendrer d'autres difficultés graves, pour le deuxième cas, concernant la limitation de naissance, il y a plusieurs façons de limiter. Il y a donc les mécanismes technologiques, y compris les façons de préservatifs, y compris donc d'autres choses émanant par la technologie actuelle. Mais dans l'islam, nous acceptons seulement qu'une seule voix. Chapitre qu'on appelle Bakara, c'est-à-dire la vache, verset numéro 233, dit qu'un enfant doit téter pas moins de 2 ans. C'est-à-dire que, comme importance, la maman trouve l'occasion de se reposer. Et l'enfant aussi trouve un temps suffisant pour grandir dans les conditions convenables. Entre la convention de la mère et son mari, ils peuvent donc décider conventionnellement de limiter les naissances entre 3 ans, 4 ans, et ainsi de suite, dépendamment de leur volonté. Mais le problème en est que la plupart des gens ont peur que les enfants n'auront pas à manger. Mais il faut savoir que c'est Dieu qui donne les besoins bien le nécessaire pour les enfants vivre. J'interpelle donc le gouvernement de disponibiliser les moyens de développement, de production pour que les enfants déjà existants ne peuvent pas manquer à manger. Je crois qu'il faut donc, encore une fois, la sensibilisation aux parents montrer qu'il faut donc augmenter la production pour assurer donc la bonne vie de les enfants ou bien de la population burundaise. Propos recueillis par Jean de Dieu Irakodze, la population burundaise estimée à plus de 12 millions d'habitants en 2019 atteindrait plus de 22 millions en 2050 selon les projections de la population de 2010-2050 et du Service des études et statistiques démographiques de l'Institut de statistiques et d'études économiques du Burundi, STEBU. Cette croissance rapide de la population est la conséquence du maintien à une période exceptionnellement longue d'une fécondité élevée et de la baisse de la mortalité. Le contenu des projections démographiques de l'Istibou avec Armel Mtore. Le Burundi connaît une croissance démographique soutenue depuis 1962. La population du Burundi estimée à 2,9 millions en 1962, l'année de son indépendance, est passée à plus de 12 millions en 2019, selon les projections de l'Istibou. Sa densité, la troisième la plus élevée d'Afrique, après celle du Rwanda et de l'île Maurice, est passée à 403 habitants au kilomètre carré en 2016, soit près du quadruple de celle de 1962, qui était de 113 habitants au kilomètre carré. La population du Burundi continue de s'accroître d'environ 280 000 personnes par an, soit à un rythme de 2,6%. La croissance rapide de la population burundaise est la conséquence du maintien sur une période exceptionnellement longue d'une fécondité élevée et de la baisse de la mortalité. Selon les Nations Unies, la fécondité a atteint son maximum, soit 7,6 enfants par femme à la fin des années 1980 et a entamé ensuite une baisse lente conduisant à une moyenne de 6 enfants par femme pour la période 2019-2020. 2010-2015. Ces données classent le Burundi parmi les 7 pays du monde, tous situés en Afrique subsaharienne, ayant au début des années 2010 plus de 6 enfants par femme. Les données du Programme national de santé de la reproduction PNSR pour les années 2010 à 2015 indiquent par ailleurs une forte augmentation du nombre d'utilisatrices de méthodes contraceptives modernes, ce qui suggère aussi une baisse récente de la fécondité. L'utilisation de la contraception moderne serait en effet passée de 18% des femmes en union, c'est-à-dire mariées vivant maritalement en 2010 à 38% en 2015. Un tel niveau de prévalence contraceptive correspondrait à 4,6 enfants par femme en moyenne en 2015. Concernant la mortalité, la progression de l'espérance de vie à la naissance reflète les progrès réalisés en matière de lutte contre les décès évitables, notamment chez les enfants. L'espérance de vie à la naissance au Burundi est ainsi passée de 42 ans au début des années 1960 à environ 60 ans en 2019, avec l'hypothèse d'augmentation de la prévalence ou de l'utilisation des contraceptives la moins rapide, la population du Burundi pourrait être de 22,2 millions en 2050. L'on doit donc s'attendre au moins à un quasi-doublement de la population du Burundi d'ici 2050, donc par conséquent de la densité de la population dans le pays, soit 728 habitants au kilomètre carré. Rappelons que l'évolution de la population et de ses caractéristiques dépend principalement de l'évolution de la fécondité. Certes, l'impact de l'évolution des autres variables, en l'occurrence la mortalité et les mouvements migratoires, n'est pas négligeable, mais il est beaucoup moins important que celui de la fécondité, sauf en situation tout à fait exceptionnelle. Armel Moutore, le Burundi est l'un des pays ayant une forte densité de la population dans les pays de la communauté de l'Afrique de l'Est, avec une densité de plus ou moins 310 habitants par kilomètre carré. Le Burundi vient derrière le Rwanda qui est à la tête avec une densité de plus de 400 personnes, n'est-ce pas, Obenyamour? L'Afrique subsaharienne conserve la croissance la plus rapide au monde de la population. Mais sur le plan économique et social, la région restait globalement la plus défavorisée du monde en dépit de quelques progrès réalisés. À propos de la situation démographique dans les pays de la communauté est-africaine, le Burundi dispose d'une population de plus de 11 800 000 selon Wikipédia. L'évolution de la population est de 3,23% par an. Comptant l'indice de fécondité, il est de plus de 5 enfants par femme. Concernant la densité de la population par kilomètre carré, le Rwanda vient en tête au sein de cette communauté. Il dispose d'une densité de plus de 400 habitants par kilomètre carré. L'indice de fécondité est de 3,75 par famille, tandis que l'évolution de la population est de 3,2% par an. La population globale du Rwanda étant de 12 700 000. Au sein de la communauté de l'Afrique de l'Est, la Tanzanie enregistre la faible densité de population avec 66 habitants par kilomètre carré, avec un indice de fécondité de 4 enfants par famille. La population globale ici est de 62 millions. Au Kenya, la densité par kilomètre carré est de 72 habitants et l'indice de fécondité est de 3 enfants par famille. Merci, Aubin Niyonguru. L'État devrait consulter les experts dans différents domaines avant de prendre toutes mesures afin de maîtriser la population galopante au Burundi. C'est l'avis d'Evariste Ngaïmhenda, expert et démographe et professeur d'université. Selon lui, c'est incompréhensible de traiter de la même manière un parent de 2 enfants et celui de 10 enfants dans la politique de gratuité de soins aux mères qui accouchent et aux enfants de moins de 5 ans, ainsi que la gratuité de scolarisation. Suivez-le. La population du Burundi est aujourd'hui estimée à environ 12 millions. Et lorsque vous confrontez cette taille démographique à nos structures socio-économiques de développement, là vous vous rendez compte que c'est un véritable défi. Que vous alliez dans le secteur de l'éducation, que vous alliez dans celui de la santé, de l'environnement, de l'habitat, même une simple observation de la circulation routière ou une simple observation du mode de vie des Burundais, ça vous montre que la situation démographique actuelle constitue véritablement un défi. Ce que l'État a à faire, c'est, on le dit dans le discours, mais dans l'action, ça ne fera pas tout à fait. C'est avoir à cœur cette problématique et montrer que c'est réellement un sujet de très très grande préoccupation. Tenez par exemple, en 2015, on décide de la gratuité scolaire. On décide aussi de la gratuité des soins maternels et juvéniles infantiles. Tout ça, c'est une bonne chose. C'est même une très très bonne approche des questions de population. Mais ça produit peu de résultats. Ça devient même contre-productif lorsque vous n'accompagnez pas cela d'un discours de maîtrise nécessaire de la croissance démographique. Appliquez cela de façon un peu graduelle, de façon un peu différenciée, en fonction de la descendance des familles. Sans cela, je pense qu'il sera très difficile d'envisager la maîtrise de la population. Et pour qu'on y arrive, je pense qu'il faut donner la parole aux techniciens. Il faut que nos politiques apprennent à écouter davantage les techniciens. C'est sur cet appel du professeur Ngaïmenda que se referme cette édition spéciale qui portait sur l'état des lieux de la démographie dans notre pays. Merci de l'avoir suivi. Merci à Rikouiman pour sa parfaite collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Evariste Nzikobananga. Passez un bon après-midi avec les émissions de la radio Isanganiro.